je t'avais dit. Ne regarde pas comme ça. Je t'avais dit. Je veux pas finir comme toi. Je t'avais dit. Y'en a pas deux comme moi. Je t'avais dit. Je t'avais dit que ce mec n'est pas prêt. Toi tu cherches les love et les papels. Tu vois que la vie n'est pas si belle. Aujourd'hui tu nous fais des rappels. Mais aujourd'hui c'est moi je te le rappelle. Tu voyais ta vie dans un Urus. Regarde par ta fenêtre c'est l'étoilé. Attends un peu. T'es sérieuse là tu me fais laquelle? Prends pas la tête fous-moi la paix. Le cœur est noir c'est pas Barbie et Ken. Je t'avais dit. Ne regarde pas comme ça. Je t'avais dit. Je vais pas finir comme toi. Je t'avais dit. Y'en a pas deux comme moi. Je t'avais dit. Je laisse parler en vrai. Ça va plus tarder. C'est quand tu me verras en haut, t'auras remords et regrets. Je t'avais dit. Regarde-moi, je flex dans la vie. Je t'avais dit, c'est rentré, j'suis plus trop ici. Attends un peu, t'es sérieuse là, tu me fais laquelle? Prends pas la tête, fous-moi la paix. Le cœur est noir, c'est pas Barbie et Ken. Je t'avais dit. Ne regarde pas comme ça. Je t'avais dit. Je vais pas finir comme toi. Je t'avais dit. Y'en a pas deux comme moi. Je t'avais dit. Je veux pas finir comme toi. Je t'avais dit. Y'en a pas deux comme moi. Je t'avais dit, oh là, je t'avais prévenu, t'as pas écouté. Toujours.